Evariste Ndikomanyanga. Nous sommes mardi 2 avril 2019. Bienvenue à ce journal de la mi-journée. D'abord, l'essentiel de cette actualité. Une somme de 10 000 dollars américains, c'est une amende infligée à la Fédération burundaise de football par la Confédération africaine de football CAF. Cette amende fait suite à la diffusion en direct du match Burundi-Gabon par la télévision nationale du Burundi sans permission des chaînes étrangères Canal+ sous passeport qui avaient acheté ce match comptant des éliminatoires de la CAN 2019. Mise en garde du ministère de l'Intérieur à l'endroit de ceux qui sont en train de détourner les contributions pour les élections de 2020. Le porte-parole et assistant de ce ministère indique que quiconque passera outre cette mise en garde sera soumis à rembourser la somme d'argent qui ne sera pas acheminée à sa destination. Et dans la page environnement, l'administrateur communal de Kanyosha, en province de Bujumbura, s'inscrit en faux contre les chauffeurs des camions qui déposent les déchets ménagers dans la localité de Nyabiyurwa, en zone de Mouyira. Jean-Berkimas Munzerere indique qu'une fois attrapés en flagrant délit, ces chauffeurs seront obligés de les enlever. Vous l'entendrez dans ce journal et mise en onde par le duo Dorine et Epitas. Marie-Claire Cazeneza assure la réalisation de ce journal. Bienvenue dans ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page sportive. La Confédération africaine de football, CAF, exige à la Fédération burundaise de football, FFB, de payer une amende de 10 000 dollars américains. La CAF accuse la FFB d'avoir laissé la radio-télévision nationale du Burundi diffuser le match ayant opposé le Burundi et le Gabon sans autorisation le 23 mars précédent. Le président de la Fédération de football du Burundi a indiqué via son compte Facebook que cette amende sera payée par les impliqués dans cette diffusion. Le directeur général de la radio-télévision nationale du Burundi promet quant à lui que des enquêtes sont déjà en cours. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Dans la lettre du 31 mars 2019 adressée au secrétaire général de la Fédération burundaise de football FFB, le comité de discipline de la Confédération africaine de football impose à la FFB de payer une amende de 10 000 dollars. La Confédération africaine de football accuse la Fédération burundaise de football de n'avoir pas respecté les règlements de la CAF lors du match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019 en permettant la diffusion illicite du match qui a opposé le Burundi et le Gabon en date du 23 mars sur la radio-télévision nationale du Burundi RTNB. Le président de la FFB a indiqué via son compte Facebook que ce sont tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier qui vont payer cette amende. Le Verien de Kuriyo précise que la Fédération burundaise de football avait interdit la prise des images et la diffusion d'images sans autorisation. Il précise que seules les chaînes de Canal Plus et Spasport avaient cette autorisation. Sur son, le directeur général de la RTNB a fait savoir qu'ils sont en train de mener leurs propres investigations. Merci à Jean-Marie Vianengende-Koumana pour toutes ces précisions. Le ministère de l'Intérieur, je vous le dis en titre, met en garde ceux qui détournent les contributions aux élections de 2020 et en cours de collecte au niveau national. L'assistant et porte-parole du ministère de l'Intérieur souligne que les auteurs de ce détournement seront sanctionnés et soumis à rembourser cette somme. Tarcisse Niongabo remercie cependant les responsables qui ont poursuivi certains administratifs à la base qui n'ont pas acheminé les cotisations à leur destination. On l'écoute. Nous déplorons les cas de vol ou de détournement de ces fonds par certains administratifs que nous observons ici et là. Le cas le plus flagrant que nous avons dans ces derniers jours, c'est le cas de la province de Lomongue. Alors, pour la réussite de cette activité de collecter les fonds alloués aux élections de 2020, le président de la République a mis sur pied une commission chargée de cette activité. Et cette commission, alors, est en train de travailler de lâche-pied et de faire ce suivi et ce contrôle pour province par province pour justement vérifier si les fonds déposés sur le compte correspondent aux fonds collectés suivant les reçus que nous avons transmis aux gouverneurs et jusqu'aux administrateurs. Ainsi alors, c'est lui pour qui nous trouvons un manquant. Il doit payer son manquant en deux, il y a deux jours. Si c'est le cas de l'administrateur, c'est alors à lui de se retourner contre les chefs de colline qui ont eu des manquants sur les reçus qu'il a donnés à ses administratifs. Aujourd'hui, pour aussi pallier à ce problème, nous avons demandé via le ministère de l'Intérieur, de demander à tous les gouverneurs de mettre sur pied une commission provinciale chargée de suivi de la collecte de ces fonds. Et au sujet des lettres adressées aux administrateurs communaux, les invitant à entrer en compétition dans ces collectes, ces lettres ne viennent pas mettre en cause la loi appelant les Burundais à contribuer. Selon Tarcisse Niyongabo, il explique que le gouvernement, via le ministère de l'Intérieur, veut que le minimum possible de ménages puisse s'acquitter à cette tâche. On l'écoute encore une fois. Le ministre de l'Intérieur a demandé aux administrateurs d'entrer en compétition dans la collecte de ces fonds, que cela figure déjà dans les critères d'évaluation qui seront utilisés dans l'évaluation de performance des communes. Alors, la nuance qui se trouve entre la loi qui régit la contribution de la population et la lettre que le ministre a adressée aux administrateurs, je dirais que c'est une lettre qui demande aux administrateurs de fournir beaucoup plus d'efforts. Pourquoi ? Parce que chaque commune a les ménages qui ont été ciblés pour la cotisation. Alors nous voulons atteindre le maximum, donc le 100%. Donc il faut que si ces ménages cotisent à 100%, c'est-à-dire que nous aurons recouvré toute la somme attendue dans cette commune. Alors en demandant, en insinuant ce critère de compétition, c'est pour inviter aux administrateurs de travailler d'arrache-pied et d'avoir beaucoup plus, de mettre beaucoup plus de paquets pour qu'ils puissent récolter le maximum de ces frais. Pourquoi pas être le premier pour être primé au niveau national. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h04 minutes au studio de la radio Isanganiro. Poursuivons ce journal par la page politique dans la série de présentation des projets de société des partis politiques. Aujourd'hui, c'est le tour du parti KZFDD. Généreuse Nahimana, leader de ce parti, trouve que le secteur de l'éducation est à réorganiser pour réduire les effectifs pléthoriques dans les classes. Une autre priorité de ce parti est le développement du secteur agro-pastoral et l'exploitation minière de façon moderne. Suivez Généreuse Nahimana, présidente du parti KZFDD. Le parti KZFDD est un parti qui lutte pour la défense de la démocratie. Nous voulons que tous les Burundais marchent en démocratie. Nous aimerions mettre nos premières directives dans le secteur agro-pastoral. En agriculture, nous allons disposer des moniteurs agricoles pour chaque colline afin qu'ils aident les agriculteurs à travailler d'une façon moderne. Et puis, dans le secteur pastoral, on va donner des vaches à chaque ménage afin que chaque ménage ait du lait suffisant, du fumier pour que les enfants et la bonne santé, et que même ce fumier aide dans la production favorable dans le système de cultiver les champs. Dans le système de l'éducation, nous allons orienter le deuxième projet dans l'éducation. Nous allons essayer de disponibiliser les salles de classe de façon que chaque salle de classe ait 50 élèves afin qu'ils puissent apprendre correctement et intelligemment, avoir des enfants bien instruits. En plus, nous essayerons aussi les écoles à système d'internat. J'ai précisé que nous essayerons de disponibiliser les lits et les matériels disponibles pour que les enfants dorment convenablement. Dans ce système éducatif aussi, pour le système partie de technique côté professionnel, j'ai précisé que pour ces écoles métier, nous essayerons de disposer les classes, les différentes classes pour chaque colline, afin que chaque élève puisse savoir où il peut entrer et étudier convenablement dans ces salles de classe et un système de technologie, afin que ces élèves vraiment apprennent correctement. Nous allons aussi disponibiliser des matériaux didactiques convenables pour que l'enfant qui sort de cette classe ait quand même un bagage sérieux et qu'il puisse aller travailler sérieusement dans sa vie courante. Lorsqu'ils terminent leurs études, ils ont besoin d'emploi. D'accord. Les lauréats ont besoin d'emploi, mais quand même, on ne peut pas donner l'emploi à tout le monde. J'ai insisté sur le fait que nous allons essayer d'orienter ces lauréats dans ce qu'ils auront appris dans leur vie propre, en les aidant, mettant dans les associations, afin qu'ils utilisent leurs connaissances de base, et puis nous les aiderons à leur donner peut-être des moyens pour que peut-être ils peuvent travailler et avoir de la vie. En troisième lieu, question de minerais, nous essayerons d'orienter le système minéral en précisant des lois pour l'exploitation de ces minéraux, en cherchant des techniciens appropriés qui vont aider à l'extraction de ces minéraux et qui vont quand même donner des connaissances à nos Burundais, afin que nous Burundais même, nous exploitons nous-mêmes nos propres richesses du sous-sol. Comme ça, nous allons avoir des industries de transformation qui vont donner beaucoup de travaux à nos jeunes qui disent chômeurs, et comme ça, le pays va avoir les monnaies de valeur, comme ça, le pays sera développé. Les Burundais disent politiciens, disent beaucoup, mais exécutent peu. Est-ce qu'on peut vous croire? En tant que parti CASFTD, nous allons essayer d'exécuter tous ces projets. Propos recueillis par Linibel Nivigira. Un certain Minan Pierre est admis depuis ce mardi matin au cachot de la police judiciaire d'Ngozi. Il a été arrêté alors qu'il procédait à l'enlèvement d'un élève de la troisième année primaire à l'école Saint-Archange d'Ngozi. Cet enfant dit être bandé les yeux par son ravisseur dès le quartier Chikiro pour être arrêté dans un autre quartier Muremera. L'auteur de ce forfait dit qu'il ne voulait que voler le sac à dos de cet élève. Chose inquiétante selon la police, car cet enfant avait déjà parcouru une importante distance. Il y a 2 semaines, une fille qui venait de voler un bébé à l'hôpital autonome d'Ngozi a été appréhendée. Elle est pour le moment à la prison pour femmes d'Ngozi. Page environnement, un chauffeur a été appréhendé et son véhicule est saisi. Parmi les véhicules qui déposent les déchets en zone de Mouyira de la commune Kanyosha dans la province de Bujumbura et sous colline Nyabiyorgwa, Solendi, indique l'administrateur communal de Kanyosha. C'est après l'indignation de la population de cette localité que les véhicules en provenance de la mairie de Bujumbura viennent déposer les immondices dans cette localité. Jean-Berkimas Munzerere indique qu'après l'identification des responsables, les auteurs seront obligés d'enlever tous les immondices qui se trouvent à cet endroit. On l'écoute. La situation est connue il y a quelques temps, sinon à peu près 2 mois. Nous avons connu cette situation et malheureusement, nous n'avons pas pu identifier les personnes qui viennent pour déverser ces immondices-là. Mais quand nous avons été informés de la situation, nous nous sommes entretenus avec l'administration locale, particulièrement le sous-chef de colline avec son administration. Nous nous sommes entendus de suivre le mouvement pour que les personnes qui viennent jeter ces saletés-là puissent être appréhendées. Malheureusement, ils viennent comme des voleurs qui viennent quand la personne n'est pas avertie. Nous n'avons pas pu les identifier rapidement. Heureusement que hier, nous avons été informés que le véhicule venait. Nous avons pris des stratégies et des mesures. Et le véhicule et le chauffeur sont attrapés. Et aujourd'hui, le véhicule est détenu au chef-lieu de la zone Mouyira, de même que le chauffeur. Nous attendons à ce que les responsables, si c'est une société, et que la société responsable de cela puisse venir pour nous expliquer où elle a tiré, de qui elle a eu cette autorisation pour venir gérer les saletés dans notre commune. Que comptez-vous faire pour mettre fin à cette situation? La première décision, c'est d'arrêter le véhicule et le chauffeur et de les détenir ici chez nous, dans la commune. C'est la première décision. Et la deuxième décision, la personne qui a été appréhendée, on l'obligera à enlever toutes les saletés qui sont là et puisse les jeter à la place qui a été prévue par le gouvernement, c'est-à-dire dans la zone de Mouterere. L'administrateur de la commune Kanyosha, Jean-Berkimas Munzerere, a été joint au téléphone par ma consoeur Naomi Mireille Nitegeka. Quittons Bujumbura pour Karusi, où certains des éleveurs de la province Karusi s'indignent de la surproduction du lait sans en avoir le débouché pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils indiquent avoir formé, fondé une coopérative pour tenter d'avoir un léger mieux, mais en vain. Le président de leur association et l'opérateur partenaire de proximité chargé de la valorisation des produits agricoles et vétérinaires dans cette province les tranquillise en disant que tout le matériel nécessaire est déjà sur place et qu'un marché est déjà conclu avec une société capable. Les détails avec Pascal Blaise Kararoumi. Certains des éleveurs de la commune de Vouziga, dans la province Karoussi, s'indignent que des fois, ils sont obligés de verser par terre le lait juste au manque de débouchés. Gaspard Chimilimana de la colline de Vouziga indique que sa vache lui donne entre 8 et 12 litres par jour, alors que dans la famille, la consommation ne dépasse pas des litres et que le lait est distribué gratuitement ou même versé par terre. C'est au moment où, dans cette commune, se trouvent ériger des infrastructures pour la collecte du lait et les éleveurs regrettent qu'ils ont été sensibilisés pour former une coopérative pour la mise en valeur de ces infrastructures qui durent plus d'une année, mais en vain. Ils déplorent que ce centre de collecte n'est pas fonctionnel à leur satisfaction. Pacifique Chilambéré, président de l'association des éleveurs et qui ont formé une coopérative appelée Itera Mutakunze, tranquillise ces éleveurs de Karoussi que tout le matériel nécessaire à la collecte et même à la transformation du lait est sur place et que des ouvriers sont déjà formés. De même que Félicien Vanier-Zako, un opérateur partenaire de proximité pour la valorisation des produits agricoles et vétérinaires des projets FIDA dans la province Karoussi, ils affirment tous que d'ici peu, les activités de collecte et même de transformation du lait vont commencer. Ils indiquent avoir déjà signé un contrat avec une entreprise MDP qui vend le lait Natura et qu'ils pourront assurer une fourniture allant jusqu'à 3 000 litres par jour. La province Karoussi compte 28 800 vaches qui sont capables de produire plus de 5 000 litres par jour. Comme l'indique ces derniers. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Sanganiro. Merci à Blaise Pascal Kararoumié. Certains des travailleurs de la régie des eaux utilisent leurs propres véhicules moyennant paiement pour des interventions de services à rendre aux clients. Une précision du ministre burundais de l'énergie, de l'eau et des mines. Vendredi de la semaine passée, lors de l'Assemblée générale du personnel de la Régie des eaux, le ministre Komeman Rakiza se dit surpris de voir persister un tel comportement. Il rappelle, s'appuyant sur les stocks d'Imor, que la Régie des eaux enregistre plus de charges que d'entrées. Suivez-le, traduit en français par Elini Belenevigir. Tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des équilibres entre les recettes et les charges de la régie des eaux. Les charges sont plus élevées que les entrées et ça continue. Et c'est pourquoi je voudrais m'adresser au directeur en général, surtout en ce qui concerne le stock mort. Pour les personnes qui passent les commandes non utilisables et les mettre dans les stocks, comment ces personnes peuvent continuer à travailler ? Dans une entreprise qui comprend les responsables. Qu'on recrute d'autres personnes pour identifier ces individus. Ils sont au sein de l'entreprise, même au moment où je vous parle, ils sont ici. Lorsqu'ils s'observent des lacunes continuelles, je voudrais vous prévenir que nous devons sélectionner les perfections d'imperfections et les justes vont défendre l'entreprise. Ne tombez pas dans le piège car ils ont détourné les biens de la régie des eaux, mais demain ou après-demain, une fois jugés, l'on va vous appeler pour les défendre. Aujourd'hui, l'on parle qu'il n'y a plus de services gratuits à la régie des eaux. Jusqu'à ce qu'il y a ceux qui mettent à la disposition de la régie des eaux des taxis-voitures pour les interventions, alors qu'il y a des véhicules de la régie des eaux. Vous entendez le stade auquel nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sociétés qui font sous-traitance à la régie des eaux, et cela au vu et au su des responsables. Sur ce sujet, la radio Isanganiro a essayé de contacter le directeur général de la Régie des Eaux pour plus de précisions. Il nous a promis de s'exprimer dans nos prochaines éditions. Parlons télécommunications avant de boucler la boucle de ce journal. Les abonnés de la compagnie de téléphonie mobile Connect Léo peuvent accéder à des microcrédits à travers EcoCash. Cette annonce est de la chargée des opérations à Cassava Smatec, un partenaire d'Econet Léo ce mardi, lors du lancement officiel du produit dénommé Umukopo wa EcoCash. Divine Namuvuni explique que c'est un avantage pour la population. Elle précise que le montant du crédit dépend de l'utilisation de la carte SIM de l'abonné. Suivez. Aujourd'hui, nous avons lancé le produit Umukopo wa EcoCash. C'est un produit qui est lancé en partenariat avec trois institutions. Nous avons Cassava Smatec, nous avons Finbank comme partenaire bancaire et nous avons Econet Léo comme télécom. Ce partenariat consiste à disponibiliser un service de microcrédit aux abonnés Econet Léo EcoCash. Il est demandé à l'abonné EcoCash d'avoir un compte opérationnel, c'est-à-dire un compte actif. Son compte est actif quand il utilise sa carte SIM, que ce soit pour les appels, pour les SMS, pour l'envoi de l'argent. Ce n'est pas tous les abonnés qui ont droit à ce service. C'est-à-dire que c'est seulement ceux qui sont actifs avec leur carte SIM Econet Léo. Le montant varie de 300 francs à 30 000 francs, donc dépendamment toujours de comment le client utilise son téléphone. C'est-à-dire que nous allons prendre ce que vous utilisez sur votre compte Econet, c'est-à-dire les appels, le temps que vous avez passé sur le réseau, les SMS, ce que vous utilisez en termes de consommation. Et nous allons aussi considérer ce que vous utilisez en termes de transfert d'argent, si vous envoyez de l'argent avec votre compte EcoCash, si vous recevez de l'argent de l'extérieur, si vous payez vos factures avec le compte EcoCash. Donc tout ça sera tenu en compte pour déterminer exactement le montant que vous allez percevoir. Avec le téléphone mobile, en fait, ça pourrait aider aux Burundais de pouvoir accéder à ce petit crédit et de pouvoir se développer eux-mêmes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. Une somme de 10 000 dollars américains, c'est une amende infligée à la Fédération burundaise de football par la Confédération africaine de football CAF. Cette amende fait suite à la diffusion en direct du match Burundi-Gabon par la télévision nationale du Burundi sans permission des chaînes étrangères Canal+. Et ce passeport qui avait acheté ce match comptant des éliminatoires de la CAN 2019. Mise en garde du ministère de l'Intérieur à l'endroit de ceux-là qui détournent les contributions pour les élections de 2020. Le porte-parole et assistant de ce ministère indique que quiconque passera outre cette mise en garde sera sommé à rembourser la somme d'argent qui ne sera pas acheminé à sa destination. Et dans la page environnement, l'administrateur communal de Kanyosha, en province de Bujumbura, s'inscrit en faux contre les chauffeurs des camions qui déposent les déchets ménagers dans la localité de Nyabiyogwa, en zone de Mouyira. Jean-Berkima Semunzerere indique qu'une fois attrapés en flagrant délit, ces chauffeurs seront obligés d'en les enlever. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la réalisation de Marie-Claire Kazeneza et à la mise en onde du duo Dorine et Epitas. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite des programmes sur Isanganiro.